Caramel. Alors 2022, catastrophe en série. Climatique d'abord, feu de forêt en Europe, en Afrique du Nord, sécheresse un peu partout sur la planète, inondation tout azimut et plutôt monstre, surtout au Pakistan, dont une partie de la population a encore à l'heure qu'il est les pieds dans l'eau. Canicule exceptionnelle, mais qui pourrait devenir la norme. Et puis, dans un autre contexte, guerre en Ukraine, et l'on revoit en Europe des flots de réfugiés fuyant les combats, des villes anéanties, des populations crevant de froid, sans électricité, et cela à 3 heures de Paris en avion. Arrivée de l'extrême droite un peu partout en Europe, dans la majorité gouvernementale suédoise, entrée en force des fascistes du RN au Parlement français ou dans celui du Danemark, première ministre néo-mussolinienne en Italie, réélection de Jupiter en France, j'en passe et des pires. Dans un autre registre, et d'après le rapport de l'ONG Oxfam, 1% des plus riches de la planète détiennent la moitié des richesses mondiales. Ce pays a en plus le luxe, euphémisme, de se découvrir des velléités de leaders d'opinion par l'intermédiaire des médias qu'ils achètent et contrôlent. Et pour couronner le tout, cette fin d'année est dominée par un mondial de foot au Qatar, aberration écologique avec ses stades climatisés, ses rotations d'avions pour acheminer les spectateurs éparpillés dans tous les pays du Golfe Persique, le Qatar n'ayant pas la place pour les accueillir tous. Et puis, il y a aussi ce désastre social au Qatar lié aux conditions de travail et de la vie de quelques centaines de milliers d'ouvriers qui ont construit les infrastructures donc de ce mondial qatarien, dont certains, on parle de 7000, sont morts pendant ces travaux. Rappelez-vous, le film Soleil Vert, film d'anticipation de Richard Fleischer, décrivait une planète en crise politique, crise démographique, écologique, où l'humanité avait épuisé ses ressources naturelles sous l'effet de canicules permanentes dues à l'effet de serre. Et puis, c'était aussi une planète qui était sous l'emprise de conglomérats industriels détenant tous les pouvoirs. Une dystopie que le réalisateur de ce film avait située, allez, devinez, en 2022-2023. Bonne chance à tous. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou saison 34, réalisé par ce soir Marc Lazaro, Valentin Jiquel. Il y a eu un petit pépin de dernière minute. Ce soir, on parle de Niki de Saint-Phal, à l'occasion de la magnifique exposition que lui consacre le musée des abattoirs. On en parle avec Annabelle Ténez, historienne de l'art et actuelle directrice des abattoirs. Également avec moi pour questionner notre invité du soir, Manuel Pomard, le directeur artistique de Lieux communs, qui en profitera également pour évoquer Mezzanine Sud, également visible aux abattoirs en ce moment. En fin d'émission, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, nous parlera d'un film. Et oui, Jean-Pierre Lérac nous parlera d'un film. Quant à notre bon professeur Thibault, eh bien, il va nous donner dans quelques instants sa dernière prescription de l'année en matière de cinéphilie décalée, et puis c'est-à-dire que petit moment hors du temps, foutraque, savant et essentiel. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Et cette nouveauté de la semaine, elle est toulousaine, comme souvent d'ailleurs, Léo Frida. Trio toulousain amené par la chanteuse et compositrice Anka Yuina. Chant, clavier, batterie plus machine pour une musique électronique entre expérimentation sonore, climat vaporeux et lancinant qui peuvent parfois être zébrés par quelques explosions rythmiques. Bienvenue. En attendant la sortie d'un album de Léo Frida courant 2023, ce groupe publie régulièrement depuis 6 mois sur le net ses compositions associées à des clips assez inventifs, tel le Loa sorti en juin dernier, illustré par un superbe dessin animé. Changement de thème avec le clip de ce mois-ci, Goodbye, sorti la semaine dernière sur toutes les plateformes de visionnage et d'écoute. Cette fois, on parle de fin de cycle, de désastre écologique, on y revient, de patriarcat, de primauté de l'argent dans la marche du monde, de montée du fascisme. Le montage vidéo qui accompagne ce morceau est glaçant, une balade qui dissonne agréablement en cette période de magie de Noël et de victoire footballistique, comme le notent malicieusement les membres de Léo Frida. Léo Frida, on écoute tout de suite Goodbye, morceau donc à écouter et à voir sur le net et chaudement recommandé par la maison. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. And still rich men have instants. Caramel. Voilà, toujours Caramel Mou sur Campus FM. Et on en arrive à notre première chronique du soir. Fred Thibault. Fred Thibault, qui pressé qu'il est d'aller finir ses courses de Noël, a vite quitté son bureau pour arriver à 18h dans cette émission pour être le premier chroniqueur à passer. Et on lui donne avec plaisir le micro, surtout qu'il nous a annoncé un film formidable. Bonsoir, petite fée de la FM. Bonsoir, comment, professeur Thibault. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien. C'est la dernière de l'année et ça va très très bien. Non, j'étais perturbé par un film. Eh oui. Non, je vous en faire plusieurs. Ah oh, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est juste avant la Noël et c'est donc le panier de Noël. Bah, je suis venu avec un sac. Eh ben ouais. Avec un sac. Alors, j'ai mis un peu n'importe quoi dedans. Comme d'habitude. Mais je sais pas trop. Ben voilà. Il y a des trucs que j'ai achetés à midi. Ah ouais. Enfin, entre midi et deux. Au puce. Mais que je connais. Ah, c'est formidable. Voilà. Alors, on fait un peu... Oh ben oui, voilà. Allons-y. Alors, je vais sortir un gros truc. Regardez, c'est énorme. Oh là là là là. C'est encore sous cellophane. Je ne l'ai pas ouvert, mais je peux en parler. Parce que j'en ai déjà certains. J'en avais déjà acheté certains en Angleterre, etc. Et c'est un de vos auteurs favoris. Ben, c'est un événement. Regardez ça. C'est Roger Corman, les 8 adaptations d'Edgar Poe. Ah ouais. Alors Roger Corman, c'est un producteur légendaire. Il doit être à peu près à 800 ou 900 films produits. Il va arriver à 100 ans bientôt, hein, Roger Corman. Mais il n'est pas mort? Non, Roger Corman, il n'est pas mort. Je crois qu'il a 97, 98 ans. Oui. Quelque chose comme ça. Je fêterai d'ailleurs ses 100 ans, même s'il n'est pas là, mais je les fêterai. Il produit plus de films quand même. Si, il continue. Ah mais non, il travaille toujours. Ah ouais. Il y a toujours une maison de production. Il continue. Alors il ne réalise plus. Ça fait un bout qu'il ne réalise plus. Mais dans les années 60, il avait des velléités de réaliser. Bon, faut dire que pour les travelling, il aurait quand même un avantage. Maintenant, il est sur fauteuil. Il est sur fauteuil. Et il n'y aurait qu'à le pousser. Et je pense qu'il n'hésiterait pas, parce que c'est un réalisateur qui aime beaucoup l'économie. Et ça, c'est le petit miracle de Roger Corman. C'est 8 adaptations d'Edgar Poe. Et c'est le seul metteur en scène qui, à mon avis, a su adapter Edgar Poe. Allez, rappelez-nous vite. Très, très, très difficile à adapter. On s'y est beaucoup cassé les dents dessus. On n'a jamais finalement saisi quelque part l'esprit d'Edgar Poe. Corman l'a fait, voilà, en 8 films, dont une comédie d'ailleurs, qui est Le Corbeau, inspiré du poème d'ailleurs du Corbeau, dont il a fait une comédie. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver là? Oui, non, d'abord deux mots sur Edgar Poe. Deux mots sur Edgar Poe. Vous croyez qu'il faut quand même rappeler qui est Edgar Poe? Je crois qu'on en est là en 2022. Je crois qu'on n'a pas fini d'être surpris. Bon, bah écoutez, Edgar Poe, c'est un écrivain américain. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les histoires extraordinaires, la chute de la maison Cher, tout ça, qui était un maître de la nouvelle. De la nouvelle mystérieuse, de la nouvelle fantastique, de la nouvelle à énigme, notamment avec le fameux Scarabée d'Or. Vous avez déjà essayé de résoudre l'énigme du Scarabée d'Or? Non. Moi j'ai essayé, gamin, j'ai essayé de résoudre l'énigme du Scarabée d'Or. Je ne voulais pas lire la nouvelle entièrement et je ne suis jamais arrivé. Donc voilà. Vous avez fini la nouvelle. Ah, j'allais dire, vous avez quand même lu la fin. J'ai fini la nouvelle et tout, etc. Donc les histoires extraordinaires, les nouvelles histoires extraordinaires, les poèmes qui sont très très très beaux et toute la, évidemment, tous les écrivains qu'il a inspirés de H.P. Lovecraft à Stephen King. Très noirs et très baroques. Très noirs, très baroques, très basé sur l'odeur de la tombe, quelque part, si je pouvais reprendre ces mots. En tout cas, voilà, c'est formidable. J'espère que ça se lit toujours. Je ne pensais pas avoir à rappeler qui était Edgar Poe. Vous m'avez pris de court. Vous en êtes très bien sorti pour quelqu'un qui est pris de court. Donc, c'est admirable. Donc, comme je l'ai dit, c'est 8 films, La Chute de la Maison Cher, La Chambre des Tortures, L'Enterré Vivant, L'Empire de la Terreur. Si on n'a pas envie de voir des films comme ça, avec des titres pareils, Le Corbeau, La Malédiction d'Arkham, qui est une fausse adaptation d'Edgar Poe d'ailleurs, parce que c'est une adaptation de Howard Philip Lovecraft, qui est une rare adaptation de l'affaire Charles Dexter Ward, qui, bien sûr, comme vous le savez, est le seul roman de Lovecraft. Hein, parce que ça, j'ai pas besoin de le rappeler, ni même aux auditeurs d'ailleurs, qui sont parfaitement éduqués. Mais tout à fait. Hein, voilà. Ça fait 20 ans qu'ils vous écoutent dans cette émission. Mais tout à fait. Leur éducation. Et donc après, on a Le Masque de la Mort Rouge, La Tombe de Légia, etc. Enfin bon, bref, c'est que du bonheur. C'est des films qui sont absolument magnifiques, qui sont tournés dans un technicolor absolument somptueux. Ça a coûté 4 cacahuètes à tourner. Je rappelle, c'est des films qui étaient tournés en 15 jours. Hein. 10-15 jours, comme quoi, vous voyez, hein, pour faire de bons films, hein, il faut pas non plus 6 mois. Voilà. Et bien sûr, on y retrouve le grand Vincent Price, voilà, qui va quand même égrener ce cycle, mais aussi Peter Lorre, Boris Karloff. Voilà, je reviendrai sur Le Corbeau parce que c'est très très croquignolé. C'est un film qui est très drôle en fait quand on connaît un petit peu le comment étaient ces acteurs, parce qu'on avait Vincent Price en fait qui était un petit peu capable de jouer un peu tout. On avait Peter Lorre qui était alors formidablement alcoolique et qui ne respectait absolument pas du tout ses dialogues. Et on avait Boris Karloff, alors lui qui par exemple était très à cheval sur ses dialogues, c'était à la ligne près. Ouais. Donc vous imaginez tous ces voilà, enfin on ces trois là sur le même plateau, on peut pas dire que ça s'est bien passé, mais en tout cas le film est super drôle. On prend notre truc vite. Ouais. Teuf, allez vite teuf. Alors qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai dans mon paquet, il faut que ça fasse du bruit comme ça l'auditeur il s'embête pas. Ça c'est des notes sur Francis la mule qui parle, mais ça j'en ai déjà parlé. Bon, donc oui, qu'est-ce que ça fout là, la dernière, c'était la chronique de la dernière fois. Bon, on s'en fout. Ah ben voilà, alors ça c'est formidable. Alors on va sortir en coffret consacré à une réalisatrice qui s'appelle Doris Wishman, dont j'ai déjà parlé ici. Oui, c'est le troisième et dernier coffret, donc ça c'est américain. D'ailleurs je sais pas si c'est encore paru, ça va paraître peut-être bientôt. Ouais. Mais parce que j'ai mes sources. Mais évidemment, voilà. Vous avez vos avant-premières. Et alors là c'est formidable pour Noël, ça on peut l'offrir à Tati Brigitte ou à Papy Marcel. Papy Marcel il va adorer, c'est des films de nudistes. Ah, formidable. Et vous savez ô combien, je le rappelle depuis de nombreuses années dans cette chronique, moi j'adore les films de nudistes. Et c'est une des spécialistes du film de nudiste. C'est une des spécialistes du film de nudiste. Donc là, on en a un, je les compte, je les compte en direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6 films de nudistes. Ouais. Alors qu'est-ce que c'était que ces films de nudistes? Écoutez, il fallait, dans les années 60, il fallait bien montrer les gens tout nus. Alors comment on les montrait? Alors on se dit, les nudistes, c'est bien, parce qu'ils sont habitués. Ils sont nus. Ils sont habitués à être tout nus. C'est vrai, ouais. Donc on va aller dans des camps de nudistes et on va filmer les nudistes. Mais alors les nudistes, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Parce que c'est les années 60, je rappelle, il n'y a pas de pornographie encore. Les nudistes, vous n'avez qu'à jouer au ballon. Formidable. Donc en fait, on a des gens tout nus qui jouent au ballon, qui font de la mécanique, alors qu'ils ne vont pas trop faire leurs courses. Il y a ce côté-là. Le nudiste ne mange pas. Si, en fait, il mange, mais on ne le voit pas faire ses courses. Voilà. Et alors, c'est des vagues intrigues comme ça, alors, où on se retrouve avec. Je crois qu'il y en a un, je ne sais plus qui lequel. Qui s'est piqué le ballon. Je crois que c'est Hide Out in the Sun, donc caché au soleil, littéralement. Et je crois que c'est des braqueurs. C'est des braqueurs de banque, en fait, qui pour se cacher, en fait, ils vont se cacher dans un camp de nudistes. Voilà. C'est formidable. Ouais. Et ils vont se foutre à poil. Et, ouais. Et où ils mettent l'argent? C'est ça. Regardez le film. Il faut voir le film. Donc voilà, en fait, c'est des choses que moi je trouve très bien. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est un genre qui a complètement disparu, qui est complètement désuet. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, c'est sûr, de la musique au maître, comme ça, vous voyez. Easy listening. Voilà, easy listening, etc. Donc, on a ces gens qui se battent. Et Jeanne avait déjà parlé, mais la quintessence du film de nudiste, c'est quand même Nude on the Moon. Uh-huh. On a quand même des explorateurs de l'espace qui partent donc vers la Lune, la face cachée de la Lune. Et sur la face cachée de la Lune, il y a un camp de nudistes. Et ouais, comme quoi, c'était mieux avant. Voilà, parce que maintenant, on sait qu'il n'y a pas de camp de nudistes sur la face cachée de la Lune. Parce qu'on y est allé, ouais. Voilà, et alors, c'est fort dommage. C'est fort dommage. Allez, le nom de cette réalisatrice, Doris Wishman, voilà. Ouais, ouais. Alors ça, c'est des coffrets que vous trouvez sur le net. Là, ça s'appelle The Daylight Years. Donc, c'est édité par une très bonne boîte, Agfa Something Weird. C'est bardé de suppléments, comme le coffret Corman, etc. Je vais terminer alors par un truc que j'ai pas en main. Et alors, heureusement, je vais terminer par Bad Pussy. Vous savez ce que c'est par Bad Pussy? Vous savez ce que c'est? Non, mais ça sent son Russ Meyer. Alors, c'est pas un Russ Meyer. Je pense que c'est le pire film de l'histoire du cinéma. Alors ça, c'est pour Tati Brigitte. Hein. Ouais. Ça, Sous le sapin, c'est pour Tati Brigitte. Le pire film de toute l'histoire du cinéma. Donc, Bad Pussy. Qu'est-ce que c'est que Bad Pussy? Je pense que c'est un des premiers films porno qui a été fait. Ça doit dater de, je pense, fin années 60, début années 70. J'ai absolument rien compris. Je sais qu'il y a juste deux personnes dans une pièce. Alors, ils sont pas très beaux. C'est un homme et une femme. Mais alors ils sont vraiment pas très beaux. Hein. Là, il y a du boulot hein, quand même. Hein. Alors, ils discutent, ils s'engrènent, etc. Et puis, ils essayent d'avoir un rapport sexuel. Ils n'y arrivent pas trop. Et alors, on ne sait pas pourquoi. C'est entrecoupé, donc, des images, d'images donc de Bad Girl, qui en fait Bad Pussy, qui est une Bad Girl, donc voilà, la femme de Batman, si on peut dire, qui, vous savez, ces ballons là sur lesquels on saute comme ça, qu'on enfourche, c'est entrecoupé d'images comme ça. Ah ouais. Oui, on voit Bad Girl comme ça qui saute. Hop, et puis hop, elle va se cacher derrière un buisson. Hop, et puis on revient dans cette pièce et on voit ce couple qui continue à s'engrainer, qui essaye d'avoir un rapport sexuel. Ils n'y arrivent pas. Non, ils n'y arrivent pas. Et on revient à Bad Girl. Ah ouais. Alors Bad Girl avec son ballon, ting, ting, ting, ting, ting, comme ça, elle saute. Ça dure une heure. Ça n'a pas de début et ça n'a pas de fin. Voilà, mais ça existe. Voilà, ça s'appelle Bad Pussy. Ça a été exploité en salle à l'époque. Ouais. Ah oui, oui, oui. Il y a des gens qui sont allés voir Ça. Alors, pas sur le territoire français, mais aux États-Unis, ça a été, ça a été exploité. Ça s'appelle Bad Pussy. C'est le pire film de l'histoire du cinéma et quelque part le meilleur. Eh bien, évidemment. Hein, vous savez que les extrêmes comme se rejoignent. Voilà, c'était mon petit panier de Noël. Oh, ben, c'est sympathique. Voilà, c'était, ça vous a convenu? Oh ben on a commencé par du très très bon, on finit par un truc innommable, c'est formidable. Oh, comment ça innommable? Mais vous ne l'avez pas vu. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés raison. Mais c'est une émission de préjugés. Je ne sais pas si je reviendrai. En tout cas, on se dit à l'année prochaine. Alors, on se dit à l'année prochaine. Alors, je voulais vous parler d'un film avec Michel Simon. Michel Simon a fait un film de tête coupée. C'est lui qui interprète la tête coupée. Alors, ça, je vous en parlerai l'année prochaine. Ouais. Et alors, après, j'avais un autre film de chien aussi, qui s'appelle Caniche, avec un couple de bourgeois, un frère et une sœur, comme ça, qui sont en couple, je vous le dis de suite, et qui ont des rapports bizarres avec un caniche, avec un petit caniche blanc. Et ça, ce sera pour la saison 2023. Je vous promets de l'inceste, je vous promets de la zoophilie. C'est tout ce qui fait un bon film, tout ça. Et ça, vous l'aurez, en 2023. Et de la tête coupée. Eh bien, quel teasing. Hein, ça tease pour 2023. Allez, quand même. D'ici là, bonne fête. Eh bien, écoutez, bonne fête, bon Noël. Et puis, bonne fête à tous, à Tata Brigitte, tonton Marcel. Tata Brigitte, je pense qu'elle va aimer son cadeau. Oui, elle va adorer. Under my feet, I got your eyes in energy. We're no longer melanin. Let the show begin. I'm Jacqueline Hyde. qu'est-ce que c'est ? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon ? Et avant de commencer à parler de Niki de Saint-Phal, simplement vous rappeler que ce que l'on vient d'écouter, c'est Damantra. Damantra, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, groupe toulousain de rock très très fort. Groupe toulousain qui sera au Bikini le 26 janvier prochain dans le cadre du festival Spirale. Également ce soir-là, Mandarine, El Gato Negro, Jack Mallet et puis également Dan. Et Damantra seront nos invités 15 jours avant pour parler de leur dernier album qui sera sorti d'ici là. Annabelle Ténèze, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelais en début d'émission, vous êtes l'actuelle directrice du musée des abattoirs, historienne de l'art, et vous avez décidé, vous nous en parliez l'année dernière lorsqu'on s'était rencontrés pour parler de cette exposition autour de François Tosquelles et de l'art brut, vous nous aviez dit que vous rêviez de monter une exposition Niki de Saint-Phal et que vous étiez sur le point d'y arriver. Et vous y êtes donc arrivé. Niki de Saint-Phal est arrivé à Toulouse en octobre dernier. Vernissage très couru. Exposition depuis très très très très très couru. Il y a des queues assez régulières tous les week-ends devant les abattoirs. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire, avant de nous expliquer pourquoi Niki de Saint-Phal, qui était cet artiste ? Alors Niki de Saint-Phal, c'est une femme assez incroyable et une artiste assez incroyable aussi, puisque c'est une femme qui est artiste reconnue et avec un certain succès dès les années 60, dans un monde médiatique complètement masculin, on ne va pas se mentir, qui crée très tôt des objets, des collages... et qui se met, au début des années 60, à tirer sur la peinture. C'est-à-dire tirer à la carabine sur la peinture, détruire pour construire. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui a fait sa visibilité publique. Ces séances de tir sur des plaques de plâtre préalablement remplies de peinture, et la peinture était aléatoire pour le coup. Là où la balle crevait le ballon. Oui, alors aléatoire travaillé, on va dire, puisqu'il y a aussi des compositions en amont qui sont prévues. Et les tirs et les nanas, ces grandes femmes gonflées, mais légères, opulentes, sont les deux, on va dire, les deux images très connues des œuvres de Niki de Saint-Phal. Mais ce qui nous intéressait aussi, c'est de montrer Niki de Saint-Phal par-delà ces deux moments très forts, mais qui aussi presque cache toute la diversité du travail et de qui elle était derrière. Et c'est pour ça que votre exposition s'attache surtout à la période qui va des années 80 à la fin des années 90. Niki de Saint-Phal étant morte en 2002. Dans 20 ans qui ont l'air d'avoir été traversés par un projet immense qu'elle a à la fin des années 70, monté un lieu où elle pourrait construire des statues gigantesques. Et donc, elle commence dans les années 70, 78, 79 à construire ce qui va devenir le Jardin des Tarots et qui structure un peu cette exposition aux abattoirs. Oui, alors évidemment, il y a aussi ce parti pris de se dire que... aussi bien pour les artistes plasticiennes, c'est la même chose que pour les artistes et les actrices, c'est-à-dire à partir de 40, 50 ans, on les regarde moins. Or, Niki de Saint-Phal, à partir justement de cette fin des années 40, début des années 50, elle lance le plus grand projet de sa vie, presque, ce Jardin des Tarots, qui est immense. Et c'est l'idée que le Jardin des Tarots, c'est une sculpture, c'est 22 sculptures qui correspondent aux cartes des tarots, mais sont des sculptures dans lesquelles on peut pénétrer, dans lesquelles on peut traverser. C'est son idée, c'est de faire son parc Gouel, son palais idéal du facteur cheval. Et elle y est tellement investie que, par exemple, la sphinge, qui est comme une sorte de sphinx femme à la peau noire, inspirée notamment de la Vierge Noire de la cathédrale de Sienne, elle s'y construit un appartement. Elle vit à l'intérieur de la sculpture et l'appartement lui-même est une sculpture. Mmh. En miroir, en kaléidoscope, les tétons sont les fenêtres, c'est assez... le pommeau de la douche est une sculpture serpent. Mmh. C'est l'idée d'un art total, c'est-à-dire que la liberté de Nikita Saint-Phal, c'est de se dire aussi qu'il n'y a pas de différence entre l'art et la vie. Mmh. Et tellement qu'elle y vit 3 ou 4 mois par an, dans des conditions quand même assez sommaires, même si son appartement est magnifique. J'aimerais pas y vivre. Il devait y faire très très froid, du marbre partout. Ça devait pas récupérer la chaleur. C'est entièrement en verre et c'est vrai que les conditions de travail sont pas évidentes sur le jardin des tarots, non seulement de vie, hein, puisque donc je dirais même que sur les 5-6 premières années, elle y passe la majeure partie de l'année. Elle s'est construite une équipe pour construire. On imagine toujours l'artiste solitaire, mais Nikita Saint-Phal, c'est aussi une artiste qui travaille en groupe, notamment elle fait partie du groupe des Nouveaux Réalistes. Elle travaille beaucoup avec son ancien compagnon Jean Tinguely. Elle se crée autour d'elle un groupe de jeunes artisans qui va construire avec elle le jardin des tarots. Il faut des plâtriers, il faut des maçons, il faut des gens spécialistes du béton. Et des gens spécialistes de la céramique. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est un chantier à la fois énorme et aussi un chantier de précision. C'est-à-dire que chaque élément de céramique est réalisé sur la... Après, on va dire, il y a une sorte d'armature qui est faite à Jean Tinguely, ensuite le ciment, et ensuite chaque partie est moulée et décorée et ensuite enlevée pour être passée au four à céramique. C'est un travail à la fois gigantesque et d'orfèvre. Un travail qui a duré combien de temps ? Qui a duré 20 ans. Puisque donc elle commence à y travailler en 78, ça ouvre au public en 1998. Il y a de très légères parties non terminées que l'on voit à certains endroits, et parce que le chantier s'est arrêté en 2002, c'est-à-dire qu'en 2002, à partir du moment où elle est décédée, ça s'est arrêté. On peut supposer que ça aurait continué à évoluer si elle était morte plus tard. Avec une évolution dans sa façon de concevoir ses sculptures, dont vous parliez de Jean Tinguely qui a fait des parties mécaniques, de la même façon qu'il avait fait la partie mécanique de la fontaine Stravinsky devant Beaubourg à Paris. Mais on voit au fur et à mesure ces grandes statues qui sont effectivement décoré comme le parc Güell avait pu l'être par Gaudi à Barcelone. Et puis petit à petit, on voit des statues arriver qui sont nettement plus filaires, comme si après avoir fait de ces statues mosaïques, elle avait décidé de prendre du plâtre et de laisser filer l'inspiration avec des statues qui sont nettement plus aériennes. Alors je pense que Nikita Saint-Phal a toujours utilisé l'ensemble des choses qu'elle a créées. Par exemple, les nanas sont moins présentes après les années 60, et pourtant il y a quand même des nanas aussi au jardin des tarots. Et donc ces sculptures filaires, donc elle appelle ça les skinnies. Elle l'utilise notamment pour les ermites et le fou, sachant que ce sont les seuls, notamment le fou, la sculpture qui bouge à chaque fois dans le parc. Elle le change à plusieurs fois d'endroit. Et en fait, c'est vrai que ce sont comme des sortes de négatifs des nanas, puisqu'elles sont aussi pleines de vide. Les nanas sont pleines de forme. Voilà, sont pleines de forme. Ils ont aussi, et en fait, c'est l'idée de respiration qui est très forte chez elle. C'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 70, elle a beaucoup de problèmes de santé. Problèmes articulaires, ce qui est quand même terrible pour une sculptrice. Problèmes de respiration. C'est aussi vrai qu'elle travaille beaucoup l'époxy, beaucoup les matières plastiques pour ses sculptures. Et effectivement, voilà. La poussière l'a énormément abîmée. Plus une maladie a priori auto-immune. Et voilà. Et donc, du coup, elle dit mes sculptures doivent respirer. Elles doivent réapprendre à respirer comme moi, je réapprends à respirer. Donc, elles sont pleines de vide, mais pas tant pleines de vide que pleines de respiration. Et elles ont toutes des ampoules différentes, comme si elles irradiaient dans l'espace. Donc, il y a vraiment cette idée d'emporter le temps et l'espace avec. Et c'est vrai qu'en préparant cette exposition, en plein Covid, et nous sommes encore en plein Covid, cette idée de « j'apprends à respirer » est quelque chose qui résonne en nous. De manière assez étonnante, alors que c'est pas forcément les séries de sculptures les plus connues de Nikita Saint-Phal. Elles ont un effet très fort sur le public. Donc on y voit beaucoup dans cette exposition que l'on pourra voir jusqu'à début mars aux abattoirs des figures de préparation de ce jardin des tarots, des plans, des dessins, des croquis, des premières ébauches de statues. Mais on y voit aussi plein d'autres choses qui correspondent à ces 20 ans de performance et de création des années 80 et 90, notamment des totems qui sont intégrés dans des jardins qu'elle a conçus pour des enfants. Elle a conçu plusieurs parcs comme ça de jeux pour des enfants. On y voit aussi des éléments de design qui sont magnifiques, mais qui étaient aussi une occasion pour elle de vendre pour son propre compte des objets qu'elle avait créés pour pouvoir alimenter justement son immense chantier du Jardin des Tarots qui, je le rappelle ou je l'indique, on n'en a pas parlé depuis qu'on a commencé à parler de cette exposition, se situe dans le sud de la Toscane, dans une région qu'on appelle la Maremme. Le village, c'est Capalbio. Voilà, c'est vraiment dans le sud de la Toscane et c'est un endroit assez magique. Mais c'est vrai que votre exposition montre aussi tout le travail qu'elle a pu faire sur le design. Il y a toute la partie où elle conçoit un parfum, emballage compris, justement pour se payer des briques et du béton pour le Jardin des Tarots. Il y a des sièges, il y a du mobilier, il y a des miroirs, il y a des petits ustensiles, il y a de la faïence. Et il y a ces énormes totems. Et je me disais que ça, c'est une sacrée gageure pour les abattoirs de faire venir ces totems. Oui, alors c'est vrai que je vais répondre sur deux points. L'un, je pense, c'est que paradoxalement, les œuvres dans l'espace public et les œuvres monumentales et les œuvres de design ou le parfum répondent presque chez Nikita Saint-Phalle à la même chose, qui est que l'art soit accessible à tout le monde, y compris en dehors du musée et de la galerie d'art. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Et pour elle, les deux endroits où ça peut être très présent, c'est soit dans l'espace public, parce que tout le monde peut être dans l'espace public. Et elle a énormément conscience d'être une des premières artistes femmes, peut-être la première artiste femme, à avoir les possibilités de construire dans l'espace public des œuvres comme aucune autre artiste femme n'a pu le faire. Et d'ailleurs, elle le dit très bien, elle dit « Quand j'ai eu ce pouvoir-là, j'ai décidé de le partager. » C'est pour ça que ses œuvres, elle les fait accessibles aux enfants, avec des toboggans. C'est pour ça aussi que, dans les années 80, elle décide aussi de faire des sculptures dans l'espace public qui représentent des grands héros noirs, parce qu'elle dit qu'ils ne sont pas là dans l'espace public. Donc il y a cette idée de partager l'espace public avec ceux qui n'y sont pas. Quelle que soit la raison pour laquelle ils n'y sont pas. Tout comme c'est aussi lié à son engagement auprès des malades du sida. Et le parfum. Parce que le parfum, on pourrait se dire « Oh là là, mais c'est un produit dérivé ». Ce n'est pas un produit dérivé. Elle imagine tout. Elle travaille pour que la senteur lui corresponde. Elle travaille sur le flacon est une sculpture. Il y a plusieurs niveaux. Mais il y a l'idée que on va pouvoir tous s'acheter le parfum. Donc on va pouvoir tous s'acheter un Nikita Saint-Phalle et l'avoir chez nous. Elle est très maligne par rapport à ça. Elle a la compréhension de ça. Et d'ailleurs, qui l'aide à faire la soirée de lancement, Andy Warhol, qui lui-même a compris les mêmes choses. Et donc il y a cette idée il y a même une phrase où elle dit très clairement que parfois, lorsqu'elle fait un certain nombre d'œuvres qu'elle vend, elle va utiliser l'argent qu'elle prend aux bourgeois pour construire autre chose. Parce qu'elle a cette idée très claire. C'est comme elle a une idée très claire et qui est très discutée aujourd'hui chez les jeunes artistes, qui est l'indépendance financière, construire son indépendance financière pour avoir son indépendance artistique. Et être une femme d'entreprise et une femme chef de chantier. Et c'est pour ça que c'est sûr que dans l'exposition, on va du pins aux œuvres qui font plusieurs tonnes. Et oui, ça a été une assez grande gageure d'arriver à amener ça dans la nef des abattoirs. Qu'ils viennent de loin quand même, ceux-là. Oui, alors ils ne sont pas venus de San Diego directement. Ils étaient en Europe avant. Mais donc, un second jeu de totem qu'elle avait fait au moment où elle réalise le parc de sculpture qu'elle fait à San Diego. Et ce n'est pas n'importe quel parc de sculpture, puisqu'elle à San Diego, elle fait un parc de sculpture en l'honneur de Queen Califia, qui, selon la mythologie de la Basse-Californie ou du Haut-Mexique, selon comment on dit, serait la première reine de cet endroit. Évidemment, une reine noire et une reine noire qui ne régnait que sur un royaume de femmes. Donc voilà, donc ça c'est quand même le côté un peu impressionnant de cette expo, c'est ces totems-là. Manuel, vous vouliez intervenir ? Non, moi j'ai eu la chance d'aller cet été au Jardin des Tarots, motivé par une artiste que je fréquente qui s'appelle Mademoiselle Cat, qui avait bien raison de vouloir m'y amener. Et j'avoue que j'ai pris une déflagration artistique comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu et comme quoi l'art touche droit au cœur, je peux vous le dire. Et non, c'est un endroit complètement fou. C'est un jardin, donc ce sont des folies, donc c'est fou. Et effectivement, j'y étais en plein mois d'août et ce qu'on peut voir, c'est que ça s'adresse à tous, quoi. Enfin, moi, ça m'émerveille, ce côté où les enfants, tout le monde est, voilà. est pris. Et, alors, évidemment, il y a une dimension très, très impressionnante de, et l'habitat, et l'échelle des sculptures, mais ce n'est pas une imposition, ça reste une poésie, quoi. C'est ça qui est très fort. Et c'est des choses qu'on peut toucher. Et c'est vrai qu'on parlait des enfants, je crois qu'à part le musée Dalí à Figueras, je ne pense pas avoir vu d'autres musées où les enfants rigolent autant, passant d'une salle à l'autre et voyant des choses complètement étonnantes et rigolent autant. C'est vrai qu'il y a ce côté assez magique à ce jardin des tarots. Donc, qui fait partie de cette exposition, de la même façon que en font partie ces immenses préservatifs qu'elle a commencé à imaginer au début des années 90 pour marquer son soutien aux malades du sida, de la même manière qu'on y voit des tas de petites mosaïques qu'elle a créées avec cette écriture si particulière pour énoncer un peu les idées phares qu'elle pouvait défendre dans sa peinture, l'amour, la couleur, la politique, parce que c'est quand même une œuvre très poétique. Et puis, dans un grand mur de l'exposition, il y a quand même une référence à ce qui va marquer quand même sa carrière, qui va marquer un peu ses années 90. C'est une lettre qu'elle écrit où elle annonce elle met sur la place publique le viol de son père. Son père l'a violée lorsqu'elle avait 11 ans, 12 ans, 13 ans, enfin ça a duré quand même quelques années. Elle en parle dans cette lettre et puis dans un texte qui sort au milieu des années 90, vers 92-93. Et c'est vrai que ça aussi, on le voit dans votre exposition, et on sent que le fait de le révéler à ce moment-là, ça va aussi avoir une conséquence sur l'ensemble de ces dernières années de création. Oui, alors c'est vrai que c'est une œuvre dans laquelle je dirais qu'on passe du rire aux larmes. Et les deux n'étant pas antagonistes, c'est-à-dire que sur la partie où elle parle, où elle a des proches qui décèdent très tôt du sida, elle-même est proche de plusieurs médecins du fait d'être malade. Et donc il y a un double mouvement où certains de médecins qui sont ses amis lui disent « on a besoin de ton art pour aider à faire de la prévention ». Et en même temps, elle perd son plus proche assistant du sida, à qui elle fait un chat pour sa tombe. Que l'on peut voir à Montmartre, si je me souviens bien. Exactement. Au cimetière de Montmartre à Paris. Et en fait, elle mélange la prévention avec l'amour. Et c'est ça aussi qui est très beau. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas « arrêtez de faire l'amour », elle dit « faites l'amour en vous protégeant ». Et elle dit aussi « si vous connaissez quelqu'un de malade, amenez-le au cinéma ». C'est-à-dire qu'elle est aussi une artiste qui intervient dans l'espace public, médiatique par rapport à ça, puisqu'on montre notamment des livres qu'elle fait en collaboration avec, avec l'Agence française de lutte contre le sida, donc des choses qui sont diffusées dans les écoles, des livres qui sont diffusés à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et elle va aussi d'action avec Lynn Renault et Frédéric Mitterrand à une heure de grande écoute, à l'époque sur Antenne 2 en 90. Où elle dit ça, c'est très émouvant, cette période-là. Et des extraits d'émissions que l'on peut voir dans l'exposition aux abattoirs que vous avez, que vous montrez. Exactement, et c'est vrai qu'en 94, donc elle écrit cette lettre, par rapport aux autres de ses livres, tout écrit à la main, comme d'un G. Et on montre aussi certaines émissions de télé qu'elle fait à la même époque, où elle explique comment à la fois elle avait besoin de révéler ça, et en même temps... Elle sait aussi le risque que cela peut être pour une artiste femme d'être amenée uniquement à sa biographie. Il y a à la fois cet acte fort dans l'espace public, cet acte dont on sait toujours qu'il est une déflagration familiale, mais qui peut être aussi une déflagration dans l'image publique qu'elle va donner. Et elle sait très bien qu'il va y avoir une relecture d'une partie de son travail. Et elle prend ce risque, elle le raconte très fortement. Et quand on voit comment ont été reçus les dernières révélations, enfin les derniers livres qui sont sortis, comme la Sagrada Familia l'année dernière sur la question de l'inceste, on imagine ce que ça peut être en 94. Et c'est vrai que par contre, il y a chez Niki Saint-Phal cette résilience, c'est-à-dire qu'elle écrit aussi cet acte-là, dont on comprend aussi que c'est sûrement une des raisons qui l'a amené à la dépression qu'elle a eu dans les années 50. Dans les années 50-60, elle dit aussi que c'est ça qui est la rend solidaire de toutes les luttes et de tous les opprimés. Et en même temps, ça, on peut aussi comprendre sa série des ogresses, on peut aussi comprendre sa série des daddies, on peut comprendre le film qu'elle a pu tourner, on peut même comprendre la carabine et les tirs qu'elle faisait dans les années 60. Vous montrez notamment dans cette expo la liste la liste de la rage, je crois que ça s'appelle. Oui, ça s'appelle le mur de la rage. Voilà, où elle dit sur quoi elle tire. Donc il y a tout, il y a le capitalisme, mais à la 57e place, il y a le viol, et elle ne l'avait toujours pas dit. Oui, alors ce mur de la rage, par contre, on ne sait pas de quand il date. Ça vient d'un texte qu'elle écrit, dont on ne sait pas exactement à quelle période il est. Mais c'est vrai qu'il y a cet enjeu de... À la fois, on comprend que ça définit, et en même temps, elle l'a dépassé pour créer quelque chose d'autre. C'est ça qui est quelque chose d'assez fort et qui permet d'aller dans cette émotion au rire et à la résilience. Il y a ce mélange qui dit aussi, avec ça, j'ai pu être malgré ça, j'ai pu aussi être quelqu'un qui a créé autre chose. Et ça, c'est quelque chose de très beau et qui sûrement définit une part de son humanisme et de cette humanité envers chacun. Et c'est vrai que elle est tout ça. Et cette exposition, c'était pour nous important de montrer qu'elle était tout ça. C'est-à-dire qu'elle était cette femme combattante, qu'elle engagée. Était engagée, qu'elle était cette femme créatrice, cette femme qui est capable de faire un pins et un monstre du Loch Ness qui fait 4 tonnes. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose, d'une certaine manière. C'est différent, mais ça correspond à la même chose. Et c'est sans doute là qu'est toute sa modernité, même 20 ans après sa mort, avoir été quelqu'un qui est aux côtés des malades du sida, qui est aux côtés de la lutte des femmes, qui est écologiste avant que ça devienne quelque chose à la mode, et une sculptrice et une artiste complètement libre, engagée et surtout géniale. Enfin, je veux dire... ces œuvres, c'est quand même ahurissant de voir comment elles sont pensées et comment elles les aboutissent. Oui, parce qu'on peut expliquer tout ce qu'on raconte et en même temps, comme tu disais, Manuel, lorsqu'on voit son œuvre, ça dépasse tout ça. Ça dépasse tout ce qu'on raconte. Il y a cette forme d'enchantement, de poésie qui vous embarque, même quand elle parle de mort, en fait. C'est ça qui est très troublant. Et une des choses qui nous a aussi beaucoup troublés, c'est que les œuvres les plus récentes de l'exposition, c'est 2001. C'est une série de dessins dans laquelle il y a aussi quelques paillettes, des collages. Et alors, les trois dessins qui sont côte à côte, il y en a un, c'est attention, le contrôle des naissances de la pilule et l'avortement sont en danger, 2001. Le deuxième, c'est le contrôle des armes est en danger, 2001. Et le troisième, on ne s'occupe pas assez du réchauffement climatique, 2001. Ouais. Et ça, c'est quand même très, très troublant. Voilà, donc exposition Niki de Saint-Phal aux abattoirs jusqu'à début mars, 5 mars, si je me souviens bien les dates. Puisqu'on parle de Niki de Saint-Phal, vous conseillez aussi un livre qu'on peut trouver notamment dans la bibliothèque des abattoirs de Caroline Daines, Trancadis. Trancadis, c'est ces petits morceaux de faïence qui font tout le charme du Parc Güell à Barcelone, mais qui font aussi toute la couleur et la luminosité des sculptures de Niki de Saint-Phal. Et magnifique récit. C'est pas une autobiographie, c'est un récit entre l'autobiographie et le roman de Caroline Daines sur Niki de Saint-Phal et comment elle a conçu son œuvre. Assez magnifique. On reste aux abattoirs avec Manuel Pomard pour nous parler de ce que l'on peut voir au-dessus de l'exposition Niki de Saint-Phal, mezzanine sud. Vous nous dites en deux, trois mots de quoi qu'on cause. Oui, je vois qu'il y a 5-6 pages de notes. Rassurez-vous. Donc, allons-y. Oui, il faut monter les escaliers aux abattoirs pour découvrir le futur de l'art aussi. Oui, mais en même temps, il y a un superbe point de vue sur l'ensemble de l'exposition et c'est pas négligeable. Effectivement, l'exposition de Niki de Saint-Phal, on en profite aussi depuis les différents points de vue aménagés sur les étages latéraux et la mezzanine. Donc mezzanine, c'est un prix à l'attention des jeunes artistes de la région Occitanie, un prix qui est en partie financé par les amis des abattoirs. Et donc cette année, je suis certain d'avoir vu toutes les éditions, et j'ai, qu'en général, oui, j'apprécie parce que j'ai une affection pour les artistes qui débutent leur parcours et non pas leur carrière. C'est un chemin. Je ne recommencerai plus, Manu. Et trois artistes. Je vais commencer par Zoé Ferrutria. On pourrait appeler ça une installation immersive. C'est un peu la dénomination que l'on donne en général. Donc des écrans, une projection, un mural, du son, enfin voilà, une installation globale. Et Zoé nous déplace, nous fait voyager à travers les océans. Il y a une culture qui est une culture mondiale aujourd'hui, c'est la K-pop, c'est en général des boys bands, une pop assez synthétique, très... très acidulée. Ouais, acidulée, mais je vous avoue ne pas trop y goûter. Cependant, ça me pose énormément de questions. On voit des... Il y a aussi de l'édition en K-pop, il y a les disques, il y a évidemment les vidéos, mais ça fabrique des cahiers, des carnets que je vois dans les magasins à côté de chez nous d'ailleurs, si je ne vais pas citer d'enseigne. Et donc Zoé nous amène dans un endroit où l'intime, parce qu'on est sur... elle se coltine quelque chose de très complexe, l'amour et les sentiments, il y a un jeu de rapport humain, mais l'intime joue avec le collectif, c'est ce que j'ai vraiment goûté dans son installation. C'est aussi une installation, quand je dis immersive, c'est surtout en tant que spectateur-regardeur, c'est à nous de nous y investir et à nous aussi de faire l'effort d'y rester, de s'en imprégner, parce que c'est vraiment un travail qui vient vous imprégner dans la durée, quoi. Il faut pas se faufiler dans la salle, jeter un coup d'œil et partir. On n'est pas face à des tableaux, on est face à un langage. Je vais même employer un mot très très ancien, multimédia. c'est réellement un poème multimédia. Voilà. Ensuite, on passe chez Alison Flora. Alors là, le voyage, c'est dans le temps, mais alors, on pourrait croire qu'on est au Moyen-Âge, qu'on est parti, mais ce Moyen-Âge-là, il y a quelque chose qui gêne un peu. On se dit, aux entournures, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un Moyen-Âge alternatif, un trouble temporel. Et avec cet univers-là de ruines, d'épées, de créatures, de princesses, de sorcières... Alison nous dépeint une mélancolie, je crois, toute contemporaine. Et ce qu'il y a de très... Les peintures sont... je les trouve très, très fortes. Ce sont des sanguines, vous voyez. Mais littéralement, ce sont des sanguines. C'est-à-dire que Alison, avec un protocole que je ne vous dévoilerai pas, allez voir. Allez voir, vous en saurez plus. Mais avec son propre sang. Mais sans que cela alourdisse ça d'un pathos excessif. Au contraire, je trouve que il y a une distance et une position que je trouve très très subtile dans ce travail. Ah, mais ça, c'est sans doute à aller voir avec un peu d'attention. La démarche est quand même assez particulière. Oui, et l'imagerie qui est produite, on n'est pas dans du... c'est pas Game of Thrones, quoi. Ah. Et c'est pas un des films dont nous parle régulièrement notre bon professeur Thibault. Oui, bon, ça, je ne vais pas m'aventurer ni essayer de... Non, c'est pas ce cinéma-là. Non, on n'est pas dans du bis, ça c'est certain. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a une puissance subtile qui se dégage de tout ça. Et vous passez la salle suivante. Et là... c'est une installation décor où là aussi, il y a quelque chose qui va vous déranger aux entournures. Il y a une odeur qui plane dans la salle qu'on n'arrive pas à déterminer, qui est assez, pas agressive, mais je ne sais pas, acre peut-être. Mmh. et c'est, donc, c'est une installation à partir de matériaux... oui, il y a de l'industriel, il y a des panneaux, il y a un réservoir, il y a une sorte d'armoire électrique, tout ça est en fort mauvais état, voire même en décrépitude et en ruine, un tas de pneus. Et il y a aussi la présence de la nature, mais pas la nature luxuriante, généreuse, voilà, pas la, je sais pas, la, vous pas, dire, pas une materia prima, voilà, qui vient nous... Pas la nature que l'on voit actuellement dans Avatar 2. Ouais, non, j'évite, je suis désolé, c'est comme la Coupe du Monde, je vais pas voir Avatar 2. Voilà, moi, je suis un peu bégueule comme garçon. Voilà, mais elle est comme ça, la nature, d'accord, dans Avatar 2, luxuriante. Non, c'est Guillaume Roubichou, donc l'artiste qui a produit cette installation, joue vraiment avec... avec cette notion de ruine, mais c'est pas, il signifie pas une ruine. On est vraiment, il y a le vivant et le parasite qui prend le pas sur la construction humaine, sans un discours trop donneur de leçons ou pontifiant. C'est quelqu'un qui vient de ces territoires-là, qu'on dit périphériques, ruraux, d'Ariège, où d'ailleurs il anime un lieu d'artiste qui s'appelle DLKC à Saverdun. Mmh. Voilà, c'est un artiste, on appelle opérateur, comme on disait dans les années 90. mais là aussi, il y a ce rapport au temps, mais à une usure humaine. Et l'installation a une qualité sculpturale et vraiment, oui, une présence physique qui se distingue. Voilà. Mmh. Donc les trois vraiment... Ce que je trouve génial, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait de la même génération, ces trois artistes, que ce soit Alison, Zoé et Guillaume. Mais moi, ce qui me touche à ce moment-là, c'est la diversité des formes. Mmh. On dit souvent l'art contemporain. Les détracteurs disent l'art contemporain. Je ne sais pas comment ils le disent, comment ils le prononcent. Mais là, comme je dis toujours, l'art contemporain n'existe pas. Enfin, il a une telle... comme vous verrez, de Alison à Guillaume à Zoé, il y a trois mondes radicalement différents. Juste, ce sont des artistes qui ont entre 25 ans et 35 ans et qui travaillent aujourd'hui. Donc voilà ce que c'est l'art contemporain. Ouais. Eh bien, très bien. Donc ça, c'est Mezzanine Sud, exposition, concours. Qui c'est qui vote, au fait, pour... un jury. Annabelle ? Ah oui, je peux vous dire qui vote. Hein. Alors, je vous avoue, je vote. Hein. Donc, le jury est composé, alors, pour certains, de personnes des abattoirs comme moi. Nous invitons, en fait, des gens aussi de la DRAC. Alors, la DRAC, hein, pour vos auditeurs, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. En particulier, les personnes qui s'occupent de l'art visuel, parce qu'on sait qu'elles vont beaucoup sur le terrain soutenir les artistes aussi. Ça nous permet aussi qu'ils ramènent d'autres artistes, des gens de la région, puisque nous avons vocation régionale, des personnes du Prix des Amis des Abattoirs, puisque c'est les Amis des Abattoirs qui ont fait le choix de financer notre programme presque le plus contemporain, ce qui est, et on les remercie pour ça, et également une critique d'art, et nous invitons toujours un ou une artiste à être membre du jury, et nous faisons attention à toujours inviter un ou une artiste lauréat des années précédentes. Et c'est souvent d'ailleurs leur première expérience de jury. Mais pour nous, c'est très important de toujours avoir des artistes dans les jurys. Voilà, donc ça, c'est Mezzanine Sud. Trois œuvres contemporaines à voir sur la mezzanine du musée des abattoirs. En bas, jusqu'à début mars, on pourra voir également l'exposition Niki de Saint-Phal. Mmh. Un conseil comme ça, allez-y plutôt vers 10h, 10h30, plutôt que vers 11h, midi, parce que sinon, il y a trop de monde. Alors, je peux peut-être préciser deux, trois choses. Alors, oui. La première, c'est qu'en fait, on ouvre au public à midi, puisque le matin, en fait, c'est réservé aux groupes et aux écoles. Ah. Ça, c'est le choix qu'on fait. Le matin, pour nos... Et pendant les vacances aussi ? Oui, pendant les vacances aussi. Mmh. On a aussi des centres de loisirs, etc. Mmh. Donc, ça ouvre à midi. Donc, venez à midi. Mmh. Alors midi, c'est vrai que venez entre 13 et 14, ça c'est la bonne heure. Et j'ai oublié de dire, j'ai dit comment on votait, mais c'est peut-être aussi une manière de dire aussi comment est-ce qu'on connaît les artistes qui sont à Mezzanine Sud. Donc si vous êtes un jeune artiste de moins de 35 ans ayant un lien avec l'Occitanie, que vous soyez né là, que vous y travaillez ou tout simplement que vous y ayez fait vos études, un des trois, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir les trois, bien postuler. C'est ouvert à tous ceux qui sont artistes de moins de 35 ans, donc c'est un appel complètement ouvert, il n'y a pas de cooptation. Tout le monde peut vraiment envoyer son dossier. On l'envoie où ? Alors on fait l'appel à peu près au printemps, tous les ans au printemps, on fait un appel sur nos réseaux sociaux pour dire si vous êtes un jeune artiste qui veut postuler. Et aussi, un de nos soutiens dans le prix, c'est de donner des moyens de production aux artistes et également des honoraires. Donc, c'est vraiment accompagner la réalisation d'un projet qui compte le plus pour le jury. Très bien. Eh bien, on se refera l'écho de cet appel à projet vers mars-avril. En attendant, Niki de Saint-Phalle, on peut la voir aux abattoirs jusqu'à début mars. Et puis, on peut voir aussi actuellement dans les œuvres primées dans le cadre de ce Mezzanine Sud qui vient de nommer ses lauréats. Donc, on peut voir aux abattoirs. Merci en tout cas de nous en avoir parlé. Merci Manuel. Merci Annabelle Ténèze. Prochaine exposition. Alors, prochaines expositions, c'est deux expositions, deux artistes femmes de deux générations différentes. Liliana Porter, qui est une très importante artiste argentine, qui a traversé les années 60 en faisant la gravure sur un mode collectif, puis une sorte de conceptualisme performance pour aujourd'hui travailler depuis une vingtaine d'années avec des figurines comme des jouets, mais qui disent complètement autre chose. Également, la première exposition monographique dans un musée en France d'une jeune artiste française originaire de Guyane qui s'appelle Tabitha Rezer et qui est une artiste assez incroyable, à une trentaine d'années. Et elle arrive à entremêler toutes les réflexions qu'on a justement sur le temps, les rituels, les savoirs ancestraux, avec la question de ce qu'on dirait de manière, avec un terme un peu laid, mais le post-internet. Donc c'est comme du e-post-colonial avec du e-post-internet, et c'est complètement immersif et elle est incroyable. Eh bien, très bien, on viendra voir ça à partir du mois d'avril. D'ici là, Niki de Saint-Phalle, donc aux abattoirs. Un peu de musique et on passe à la suite. I had to stretch my hand to reach the young man as he was standing there right beside a garbage can, looking for something that he could understand. And when he looked at me, staring straight into my eyes, he showed me something that I could never realize. How can a simple mind live in paradise? Power that makes a man feel righteous in the dark. Grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec le cavalier du Far West. Daphne, I love you. Oui, générique que l'on passe d'habitude juste avant que notre bon professeur Thibault ne fasse sa chronique cinéma, mais que l'on a passé juste maintenant parce que Jean-Pierre Lérac a une surprise. Jean-Pierre Lérac qui va faire donc sa dernière chronique de l'année, un peu particulière ce soir. Un petit peu sur le cinéma, mais quand même un petit peu musical. Bon, ouais. Je vais un peu sur les plates-bandes de Fred. Donc, j'ai pas l'habitude de passer en dernier, je suis un peu perdu là. Bon, mais vous allez très bien pareil, vous y faire. Ne vous affolez pas, allez très bien vous y faire. D'accord, donc je vais vous parler d'un événement passé. Ça, c'est pas courant, mais là, je crois que ça valait le coup parce que c'est un événement qui passait un petit peu inaperçu, pratiquement quand même, parce que la salle était pleine. Mais en fait, par rapport à l'événement, je trouvais que c'était un peu, on n'en a pas trop entendu parler. Et donc, c'était le 6 décembre dernier, c'était un mardi, c'était la projection de la trilogie sur John Zorn, musicien new-yorkais, qui a été faite par l'acteur et réalisateur Matthew Amalric. Donc ça, je ne sais pas comment ils ont eu cette initiative. En fait, là, c'est un grand mystère. C'était au Cosmographe. C'était à l'American Cosmographe. Donc ça, c'était organisé d'ailleurs par l'association Occitanie Film, une association que je ne connaissais pas, qui se sont présentés, qui ont présenté leur travail, et qui est quelque chose qui une association qu'on va suivre de près parce qu'ils ont l'air vraiment très, très, très dynamiques. Et vraiment, je pense que je vais suivre tout leur travail. Et déjà, le fait d'avoir eu l'idée de faire cette trilogie, je ne sais pas où ils sont allés chercher, parce que c'était quelque chose de très confidentiel, quand même, ces films de Matthew Amalric. Donc il y avait également comme partenaire le cinéma Le Régent à Saint-Gaudens, également l'université Jean Jaurès. Donc ils sont arrivés à mettre en place ça. Alors peut-être avant de parler de ces films, peut-être... Certains auditeurs ne savaient pas qui est John Zorn. Je le pense aussi. C'est ça. Donc, Matthew Amalric, on va pas le présenter. Tout le monde connaît Matthew Amalric. Excellent acteur, mais également très bon réalisateur, qui est surtout réalisateur d'ailleurs maintenant. Alors, John Zorn, que dire ? On pourrait faire une heure sur John Zorn. On va aller à l'essentiel. C'est quand même un musicien essentiel sur les 30 dernières années à New York et aux États-Unis. C'est un peu la référence au niveau du jazz sur New York. Je dirais un petit peu pour Woody Allen et New York pour le cinéma. Et lui, c'est l'équivalent pour la musique, toujours sur la même ville. Donc, oui, en gros, voilà. Et ça va au-delà du jazz quand même, parce qu'il s'est emparé de plein de styles. Voilà, alors on dit musicien de jazz, et c'est vrai que lui s'est emparé de plein de styles. Ça va du punk, voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à la musique en général. On lui met l'étiquette jazz, c'est un saxophoniste, mais c'est vrai qu'il a amené plein de choses. Il a tiré vers le haut plein de choses. Il a toujours su s'entourer de musiciens incroyables. Tous les grands musiciens sont passés. On joue avec John Zorn. Alors c'est musicien, c'est un compositeur, c'est un arrangeur, mais c'est surtout un découvreur, c'est un passeur, c'est quelqu'un qui aime bien rassembler. Et d'ailleurs, il travaillait pas toujours pour sa musique, il était toujours à faire travailler d'autres gens. C'est quelqu'un qui était complètement dans la construction avec d'autres musiciens. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent très bien dans le film, d'ailleurs. Il avait également un lieu à New York qui était célèbre, la Knitting Factory, où se produisait un club pas énorme, d'ailleurs, mais où il se passait beaucoup de choses. Donc John Zorn... Il a monté un label à côté de cette Knitting Factory, voilà. Zadig qui diffusait aussi les musiques qu'il aimait bien. On rappellera juste que Stabat Akish, le groupe toulousain, c'est la fierté de, voilà, c'est assez surprenant, de Max Delporte, a été le premier album a été distribué par Zadig. Et il peut raconter, Max Delporte, qu'il a simplement envoyé la cassette à John Zorn et qu'il y a renvoyé la réponse en disant « Ok, c'est bien, envoyez-moi les bandes ». Ça résume bien le personnage de John Zorn, parce qu'il n'était pas que sur sa musique, il était toujours à l'écoute, il était prêt à aider tout un tas de musiciens. Ça résume bien le personnage. Et d'ailleurs, on peut citer des musiciens comme Bill Frisell, évidemment, Dave Douglas, Joey Barone, Sylvie Courvoisier. Tous les musiciens ont joué avec lui. Arthur Lindsay, Fred Fries, Bill Laswell, enfin, c'est, voilà. C'est incroyable. Et donc, et peut-être un dernier aspect pour John Zorn, c'est aussi quand on dit qu'il s'emparait de plein de musique, donc le funk, le punk, le rock et la musique yiddish. Et c'est vrai qu'il a participé... Alors ça, c'est quelque chose, ça fait partie du personnage quand même, avec certains travers, voilà, par rapport à ça, mais, qu'on n'abordera pas là, qui ne sont pas abordés dans le film d'ailleurs. ce côté où il y avait un petit côté intégriste aussi, des fois, dans ses façons de... Mais il participe quand même au renouveau de cette musique new-yorkaise. De la culture yiddish à New York, et notamment avec son groupe Masada, qui est quand même un de ses groupes. Voilà, donc on pourrait encore parler longtemps de alors certains l'ont vu à Marsiac, moi j'en fais partie, et donc c'est et vrai aussi. Que bon, ça c'est un petit peu un anachronisme, parce que c'est vrai que l'univers de John Zorn, il correspond pas du tout aux esthétiques que défend Jazzy Marsiac, mais c'était les seuls qui avaient les moyens de le faire. Donc c'est pour tout un tas de gens autour de moi qui est passionné par John Zorn sont allés pour la première fois à Marsiac, on va quand même dire qu'il l'avait fait plutôt intelligemment, puisque si je me souviens bien, au moins c'est le concert auquel j'ai assisté, il y avait John Zorn avec son groupe, mais juste avant il y avait ce quatuor de musique contemporaine de la musique de Masada et mais de manière classique contemporaine, et c'était magnifique. Oui, mais ça c'est John Zorn, il aime bien donner plusieurs aspects le même concert. C'était plutôt intelligent de la part de Marsiac, beaucoup de gens qui ont été à Marsiac sur là, ça a été quand même une souffrance, parce qu'ils ont, en dehors de John Zorn, ils ont aussi vu ce que c'était que le festival, et donc ça a été une manière aussi de subir ça. Mais vous êtes incorrigible, Jean-Pierre Lérague. Incorrigible. Non, mais je fais que témoigner. Les gens m'ont envoyé ça complètement. Disons simplement que ça a été une soirée fabuleuse. Oui, il y a eu 3-4 ans à Marsiac. Bon, ils ont arrêté depuis, parce que là, il y avait tout un public qui arrivait, qui remplaçait le public habituel de Marsiac, qui ne savait plus où ils étaient. Mais on ne va pas leur reprocher, ils ont eu le mérite de faire ça. Ça nous a permis à tout un tas de gens de voir John Zorn, n'est pas mal. Et on ne l'a pas revu depuis. Voilà, donc je pense que d'après Mathieu Amalric, d'ailleurs, j'ai discuté un petit peu avec lui, mais il m'a dit qu'il ne reviendra jamais à Marsiac. On s'arrête là, l'affaire est terminée. Donc Mathieu Amalric, c'est quand même assez étonnant, parce que là, il a rencontré, en 2010, il a rencontré John Zorn, et il est carrément tombé amoureux. Quand je dis amoureux dans le sens d'amitié, c'est quelque chose qui l'a fasciné au point qu'il ne l'a plus quitté. Alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit moins en tant qu'acteur. Alors, quand on voit les films, on se dit, mais il a passé toute sa vie avec lui, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que là, il le suit partout. Alors, on voit les concerts au Japon, les concerts dans tous les coins du monde, il est partout. Et il est toujours avec sa caméra. Par moments, on voit John Zorn dire, ah, t'es encore là, Mathieu, etc. Donc, donc Mathieu racontait qu'il y a une vraie amitié qu'on sent, et on sent surtout cette passion pour ce musicien. Ça, c'est quelque chose, on sent qu'il est là, et d'ailleurs il va continuer. Il a fait 3 films sur John Zorn, et puis ça continue, c'est sa raison de vivre, c'est totalement incroyable. Alors c'est vrai que il expliquait qu'en fait c'est un plaisir à lui. Il n'a pas fait ça pour faire des films, des documentaires, c'est son plaisir à lui, c'est ses films à lui. Ils ne sont pas distribués au cinéma, donc c'est juste un petit plaisir qui se fait. Bon, c'est sûr qu'il faut quand même un peu de moyens pour suivre John Zorn dans tout. Il va chez lui, il habite chez lui des mois entiers. Donc c'est vraiment, ça va assez loin. On rentre presque dans son intimité, quoi. Je veux dire, c'est assez incroyable. Donc ces films, le premier film, on est vraiment sur cette boulimie. Il va absolument tout montrer de John Zorn. Il y a une enfilade de concerts dans tous les sens. On voit défiler tous les plus grands musiciens. C'est une espèce d'orgie. Ça dure une heure. Le deuxième, c'est un peu plus, on s'approche un peu plus du personnage. C'est un peu plus, il va s'intéresser à son travail en dehors des concerts et tout ça. C'est une suite qui est vraiment assez, c'est très complémentaire. Donc ça dure 2 heures. Entre les deux, il a compris que John Zorn n'allait pas le foutre dehors, donc il était moins pressé. Non, il n'allait pas le foutre dehors. Je pense que John Zorn, il s'est habitué à voir maintenant la caméra de Mathieu Amalric. C'est un truc qui est complètement... Alors le troisième film, parce qu'il y a eu les 2 films qui ont été projetés d'affilée, puis il y a eu une petite pause, et ensuite le troisième film qui lui fait une heure et demie. Donc ça fait quand même 3h30 de projection. Le troisième film est un peu particulier parce que mais tout très différent des 2 premiers, où c'est vraiment une histoire, c'est une répétition pratiquement. Le film, c'est tout un travail qu'a sur une composition qu'il a fait et qui fait chanter à Barbara Hannigan, qui est une chanteuse soprano. Et donc c'est une, là aussi il diffuse des échanges par mail entre Barbara et lui. Là aussi il y a une amitié. C'est d'ailleurs C'est d'ailleurs Mathieu Amalric qui a présenté Barbara à John Zorn, pour la petite anecdote. Et donc, il a construit une pièce qui est très compliquée. Alors, elle s'entraîne avec un pianiste d'opéra. Et on voit, on pourrait croire que pendant une heure et demie, on peut s'ennuyer à une répétition comme ça, où ils sur sont là, il y a ce truc, ah, non, j'ai terminé par un si, j'aurais pas dû terminer par un si, enfin, on est là, et puis après, il y a lui qui arrive, et il y a ce travail. Et on s'aperçoit de tout ce travail. Et tout le long de ces trois films, on voit vraiment tout l'arrière, l'envers du décor de John Zorn, toute cette passion qui, on se demande si dort, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui est habité par la musique. Non, c'est vraiment passionnant. Je crois que tout le monde était absolument. Moi j'ai un copain qui connaît Zorn, il connaît tout Zorn, il a tous les disques, il l'a vu partout, il a allé le voir partout en Europe et tout. Même à Marciac. Même à Marciac. Et c'était un test quand même, je veux voir dans quel état il était, comment il avait vécu ses films. Et d'ailleurs, il y avait des morceaux de concert où il était. Il était aux larmes, quoi. C'était vraiment. Donc, je pense qu'il y a une sensibilité. Puis il y a la façon dont Mathieu Amalric le vit. C'est quand même un personnage. C'est pas du documentaire. Il y a quand même. Donc voilà. Il y a une intention derrière, oui. Ouais, et donc les gens, ils étaient. Alors en plus, à la fin, il y a eu un débat. Et puis Mathieu Amalric, quoi, c'est quelqu'un. Moi, je l'ai rencontré un petit peu avant. Je vous expliquerai peut-être pourquoi après. Donc c'était quelqu'un d'une simplicité incroyable. Et puis là, il était comme un enfant. Il présentait son truc. C'est son petit jouet à lui. Quoi. Ouais. Et là, il n'était pas du tout dans la posture de quoi que ce soit. Et il savait pas si les gens allaient aimer. Et alors les questions, évidemment, il a répondu, mais avec c'était plus de la générosité. Il était passionné. On voit qu'il est passionné. Et puis après, on aurait pu le faire discuter deux heures. En fait, voilà, c'était un plaisir jusqu'à la fin. Le gars de l'American Cosmograph a été obligé d'interrompre parce qu'on a pu y passer la nuit. Enfin, voilà, on est tous sortis. Voilà, c'était un moment de bonheur que j'avais envie quand même de retranscrire là. Et puis, c'est très sympathique de nous en avoir parlé puisque nous n'avons aucune chance de revoir ces films. Alors, justement, c'est la suite. Ah c'est la suite parce que j'ai vu venir. Vous pensez bien que ce n'est pas complètement gratuit ce que je fais là. Mais, très bien. Voilà, bon, pour tous ceux qui n'étaient pas, qui n'avaient pas la chance d'être là, il y aura une séance de repêchage cet été au mois de juillet quelque part à Luz. Ah, avec voilà. Mathieu Amalric, voilà. Donc ça, c'est une raison, c'est une occasion pour certains de venir. Donc on aura ces projections, on est très heureux. Et voilà, parce qu'il se trouve qu'évidemment il est très ami avec Jean-Marie et les frères Larieux qui habitent à Luz, qui sont des fidèles du festival. C'est un petit peu comme ça qu'on a eu cette, d'ailleurs Mathieu Amalric est déjà venu au festival de Luz. Bon ben parfait, donc donc voilà, c'était quand même un petit appel, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, ça, je suppose. Et franchement c'est pas parce qu'il passe à Luz, il y avait vraiment du bonheur. Là, 3h30 où on s'ennuie pas une seconde, on est dans un univers complètement incroyable. Ça veut dire que même si ces trois films étaient passés à Marciac, vous y seriez allé. Allez, très bien. Donc, on va écouter un morceau je dirais deux mots après sur ces morceaux. Très bien. Après, d'accord, très bien. John Zorn, tout de suite, pour finir cette chronique, vous l'avez compris, Jean-Pierre Lérac a adoré les trois films de Mathieu Amalric sur Zorn. John Zorn, tout de suite. silencieux. Ouais, ouais. Voilà, deux mots, Jean-Pierre, sur le morceau que l'on vient d'écouter. Ouais, là, on s'est fait un petit peu plaisir. On a écouté un morceau de Night City, qui est un peu la première période de John Zorn dans les années 80. Voilà, c'est celle où il était passablement énervé. C'est un peu énervé, c'est vraiment du rock, quoi. Et en fait, je pense que c'est ça, parce qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est le casting. Le casting dans ce groupe qui est complètement hallucinant, puisqu'on retrouve à la guitare Bill Frisell et Fred Frisell. C'est-à-dire quand même ce qu'on fait de mieux la guitare. Dans les musiques improvisées. Ouais, Bill Frisell dans le jazz, c'est la référence par excellence. Quoi. Et Fred Frisell dans les musiques improvisées. Et puis après, on a Joey Barone, l'arme batteur de jazz. Et donc là, il est capable de jouer comme le batteur des Who, mais il est aussi capable de jouer comme Paul Mossian. Moi, je l'ai vu, c'est-à-dire dans la finesse, dans la délicatesse, le contretemps et tout. Donc, c'est un batteur qui a une palette, je dois dire, franchement, que c'est mon batteur préféré de loin. Et donc là, on a le Joey Barone qui joue comme un batteur de rock. Quoi. Mais dans le film, on le voit, il y a entre les deux personnages, il y a beaucoup de complicité aussi. Voilà. Donc un petit aspect. Et John Zorn au saxophone. Donc vous l'avez compris, les trois films de John Zorn de Mathieu Amalric, on pourra les voir cet été à Luz. Voilà, les Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le 6 janvier prochain. Pas d'émission pendant 15 jours. Et là, nous serons en compagnie de Charlène Moura et de Marek Kastelnik du duo L'Oiseau Ravage, qui aura sorti à ce moment-là ce qui sera son premier album. D'ici là, nous allons nous arrêter un peu. Faites de même si vous le pouvez. Prenez soin de vous et on se retrouve en 2023. Salut les filles. Caramel.